إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ولازلنا مع هذه الحلقات العلمية التي نرجو من الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحن في بيت من بيوت الله، نحن في بيت من بيوت الله، كما سبق وسمعتم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. Donc, alors qu'on est dans cette continuité de cette série de conférences concernant le rôle de la mosquée dans la formation de la personnalité musulmane, alors qu'on est dans un lieu de prière, d'évocation, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal, dans une mosquée, cette mosquée qui nous rappelle ce hadith qu'on a dû l'entendre toute la journée, au cours de toute cette journée, où à chaque fois qu'un groupe de croyants, de musulmans se rencontrent, se réunissent dans une mosquée, afin d'évoquer Allah Azza wa Jal, de réciter le Coran al-Karim, de méditer dans les paroles divines et d'étudier la sunna du prophète alayhi salatu salam, il n'y a pas une fois où un groupe d'hommes se réunit afin d'évoquer Allah Azza wa Jal sans que la sérénité et la paisibilité de la part d'Allah Azza wa Jal nous englobe, sans que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, nous soit accordée, sans que les anges nous entourent et sans que Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque auprès de lui dans des endroits plus précis et des endroits plus précieux que la mosquée. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سمعتم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، عن دور المسجد من الناحية العلمية، وعن دور المسجد من الناحية الإيمانية، وعن دور المسجد من الناحية الأخلاقية. فبيوت الله جل وعلا كما كانت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت على عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانت دورا للعلم، دورا للإيمان، دورا للأخلاق والتربية. منها تربى جيل الصحابة رضي الله عنهم والذين كانوا لنا قدوة. بماذا سادوا هؤلاء الناس؟ سادوا العالم بأسره. الصحابة رضي الله عنهم في سنوات قليلة هيأ الله عز وجل لهم أن سادوا العالم بأسره. دولة فارس والروم أنذاك كانتا أقوى دولتين في العالم كأمريكا وروسيا منذ سنوات، وأما روسيا الآن يعني صارت هيهات هيهات لها. آنذاك الروم وفارس كانتا تمثلتان الدولتان العظيمتان، ولكن في ظرف سنين قليلة هيأ الله عز وجل لهذا الدين رجالا سادوا العالم بأسره. كيف سادوه؟ من أين تخرج هؤلاء الناس؟ من أين أخذوا الشهادات؟ الآن الناس يأخذون الشهادات العليا من أين؟ من الجامعة، يمشي يدرس في الجامعة حتى يحصل على شهادة، مكتوب عليها حصل شهادة الليسونس ولا الماستر ولا غيرها. هكذا يسعى الناس. أما سادة الخلق، سادة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخرجوا من أين؟ تخرجوا من المساجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc je disais, mes chers frères, mes chers sœurs, après avoir, durant toute la journée, évoqué un certain nombre que la mosquée joue comme rôle dans la formation de la personnalité de chaque individu, on avait rappelé, pour ceux qui étaient présents, le rôle de la mosquée sur le plan ilmi, sur le plan scientifique. On avait évoqué le rôle de la mosquée quant à l'aspect spirituel. On a aussi évoqué l'aspect de la conduite, de la bonne conduite, de la morale. Et la question, mes chers frères et mes chères sœurs, qui se pose et qui doit interpeller chacun et chacune d'entre nous, quand on reprend un peu l'historique, on avait soulevé que la première des choses que le prophète alayhi salatu salam a mis en place après la hijra, c'était la mise en place de la mosquée. Quand il est arrivé à Quba, le prophète il a construit une mosquée, sachant qu'il n'a passé que quelques jours. Et de Quba à Médine, il a construit la mosquée du prophète alayhi salatu salam, que beaucoup d'entre nous ils ont eu l'occasion, à l'occasion d'une umra ou à l'occasion du pèlerinage, de visiter. Comment en peu de temps la mosquée du prophète alayhi salatu salam a pu transmettre ce message du savoir, de spiritualité, de moralité, de sociabilité, toutes ces notions, tous ces aspects, en peu de temps, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, ils ont réussi à acquérir ces qualités, ces fondements, et en peu de temps, ils ont pu dominer le monde entier. À leur époque, les deux grandes puissances, c'était les Perses et les Byzantins. Deux grandes puissances. Comme il y a quelques années, c'était les Américains et les Russes. Aujourd'hui, vous savez, comme moi tous, qu'on peut parler d'une seule grande puissance. La Russie, qu'il y a quelques années, se considérait comme l'une des grandes puissances qui se concurrençait avec les Américains, a perdu donc énormément de terrain. Dans tous les cas, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, il y avait ces deux grandes puissances. Et en peu de temps, les musulmans, les compagnons qui ont appris, étudié auprès du prophète alayhi salatu salam dans sa mosquée, en peu de temps, ils ont réussi à dominer le monde entier et dominer surtout les deux grandes puissances de l'époque. C'est que le mosquée à l'époque jouait son rôle. Et à chaque fois dans l'histoire que la mosquée a joué son rôle, les musulmans, ils avaient l'izza. Et à chaque fois que les mosquées ne jouaient plus leur rôle, les musulmans sont devenus humiliés, éparpillés, divisés, et on ne leur accorde plus d'importance. À chaque fois que la mosquée c'était dar al-ilm, dar al-iman, dar al-akhlaq, dar al-mu'amalat, à chaque fois que la mosquée c'était ce lieu à travers lequel on apprenait le savoir, on apprenait la spiritualité, la moralité, on apprenait toutes ces qualités, les musulmans étaient devant. Et à chaque fois qu'on perdait, ou que la mosquée perdait de ces rôles-là, malheureusement ce qui se passait par la suite, c'est que les musulmans se divisaient, s'éparpillaient, et n'avaient plus le dessus sur les autres communautés. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي من قبل جبريل عليه السلام بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. وحينما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كان يجتمع إلى صحابته رضوان الله عليهم في دار. هذه الدار التي كان يجتمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يعني سمعتم بها، سمعتم بهذا الصحابي؟ أكيد أنكم سمعتم بالأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا الصحابي الجليل أهدى بيته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضوان الله عليهم كي يعلمهم ما أوحي إليه من قبل الله جل وعلا. فكلما أنزلت آيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتمع إلى صحبه الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهما ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Je disais qu'au départ, au début de l'islam, quand le prophète عليه الصلاة والسلام a commencé à transmettre le message, le prophète عليه الصلاة والسلام avait l'habitude de se réunir en cachette, discrètement, avec ses compagnons ridwanullahi alayhim dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Ça, c'est un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Il s'appelle Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. C'est d'ailleurs le premier lieu, je dirais le premier lieu d'adoration où le prophète alayhi salatu wasalam se réunissait avec les compagnons pour leur transmettre ce qu'il recevait de la part d'Allah Azza wa Jal comme révélation. À chaque fois qu'il recevait des révélations, les compagnons venaient autour du prophète alayhi salatu wasalam, à cette demeure, à cette maison qui est nommée Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, où il y avait ce compagnon, ce jeune compagnon dont je vais en parler en quelques mots. Al-Arqam, c'était un jeune homme, ce jeune compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, qui a offert sa maison à qui? Au prophète alayhi salatu wasalam. Dans quel objectif? Dans l'objectif d'enseigner le wahy, la révélation aux compagnons ridwanullahi alayhim. C'était la première maison par laquelle l'islam a commencé à se diffuser. C'est l'une des raisons pour laquelle on a nommé notre mosquée Al-Arqam. Cette mosquée-là, ce lieu-là, on l'a nommé Al-Arqam. En se rappelant la mémoire de ce jeune compagnon qui a confié sa maison, sa demeure au prophète alayhi salatu wasalam, afin que les musulmans peuvent se réunir, peuvent évoquer Allah Azza wa Jal, peuvent l'implorer, méditer dans les versets coraniques, méditer dans les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, et de là transmettre ce message de miséricorde et de clémence. الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه الأرقم وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما أسلم كان في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من الأوائل الذين أسلموا يعني كان من السباقين للإسلام وكان عمره لم يجاوز 16 سنة. شحال كان في العمر ديالو؟ شحال؟ 16. يعني صغير ولا كبير؟ صغير ما شاء الله. إذن كان عمره 16 سنة حينما دخل في الإسلام، وحينما أهدى بيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا النبي أن يجتمع في بيته ويعلم الصحابة في بيته ويدعو من خلال بيته إلى دين الله جل وعلا. Je disais que ce jeune homme, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, il était parmi les premières personnes qui se sont reconverties à l'islam. C'était parmi les premières personnes qui a embrassé l'islam. Il avait 16 ans. C'était un jeune homme. En pleine adolescence, il pouvait profiter de sa jeunesse comme la plupart des jeunes aujourd'hui veulent en profiter. Alors que le prophète à l'époque, il faisait sa da'wah discrètement, en cachette. Il était menacé. Ses compagnons, ils étaient aussi menacés, malmenés. Et l'Arqam ibn Abi Al-Arqam, ce jeune homme, il a pris le courage. Et il a pris le fardeau à la fois d'embrasser l'islam, mais au-delà d'embrasser l'islam, c'est ce que disait notre frère Younes tout à l'heure, et aussi Ismaïl, c'est s'engager. Dès qu'il a embrassé l'islam, il a compris que se mettre à Allah Azza wa Jal signifie s'engager auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas, il y a les responsables associatifs, il y a les responsables de la mosquée, et moi je suis derrière. Je suis à l'abri. Donc je disais, dès qu'il s'est converti à l'islam, il s'est engagé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert sa propre maison. Vous allez me dire, à 16 ans, est-ce qu'il a une maison? Vous prenez les anciens parmi nous. À 16 ans, là, beaucoup d'entre vous, ils étaient déjà mariés. Sah ou lala? Ani min qabel. Na 16 ans, kanou kayou tzoujou. 16 ans, kanou andoum loulidat. Ha, Cheikh tzoujou 17 ans. Donc il avait déjà une famille à l'âge de 17 ans. Hana 30 ans, 35 ans, 40 ans, mazal. Vous voyez la différence? À leur époque, 16 ans, il a déjà construit. À 40 ans, on est encore en train de réfléchir. Et à 60 ans, là, c'est fini. C'est trop tard. À 16 ans, il s'est engagé. Il a dit au prophète, alayhi salatu salam, au prophète d'Allah, viens, ma demeure, elle est à toi. Cette demeure, il l'a acquise de quelle façon? C'était son père qui lui a offert. Al-Arqam, le fils de Ibn Abi Al-Arqam, il avait reçu cette maison de la part de son père. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il offre cette maison au prophète, alayhi salatu salam. Il dit, au prophète d'Allah, ma demeure, elle est la tienne. Cette demeure servira dans la transmission du message. Et c'est dans cette maison que les compagnons se réunissaient avec le prophète alayhi salatu salam pour apprendre la religion. Donc Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam n'avait que 16 ans quand il s'est engagé. Sahoulala. Tafqim aya. Taïb. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam radiallahu anhu, kan yiskun fin. Yantami ila ayy qabila. Et c'est intéressant de le connaître et de le comprendre. Et de savoir comment ces gens-là s'engageaient dans le quotidien de la société musulmane, mais de la personnalité de chacun d'entre nous, et donc tout simplement notre engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam huwa min qabilat Bani Makhzoum. Ta'arfu qabilat Bani Makhzoum? Ta'arfu shkoun hiya al-qabila hadi? قبيلة بني مخزوم هي قبيلة شكون رئيس ديالها قبيلة بني مخزوم شكون كان السيد ديال قبيلة بني مخزوم قريش لا قريش هذه كلها ولكن شكون السيد ديالها لا أبو جهل أبو جهل كان هو سيد قبيلة بني مخزوم تعرفوا شكون أبو جهل أبو جهل قبل الإسلام كان يسمى بأبي الحكم كان الناس يسميه أبو الحكم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل جمع الجهل كله جمعه في الرأس ديالو علاش؟ لأنه كان يحارب الإسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت واحد المنافسة بين قبيلة بني هاشم اللي هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وقبيلة بني مخزوم. Je disais que يعني الأرقم بن أبي الأرقم appartenait à la tribu de Bani Makhzoum. La tribu de Bani Makhzoum, il a une longue histoire avant même l'arrivée de l'islam. La tribu de Bani Makhzoum, dont le Sayyid, le président, le dirigeant, le chef à l'époque, c'était Abu Jahl. Abu Jahl, avant l'arrivée de l'islam, il était nommé Abu al-Hakam, la tête de la sagesse. Subhanallah, c'était la tête de la sagesse. Et du jour au lendemain, il deviendra la tête de l'ignorance. C'est le prophète qui l'a nommé Abu al-Jahl. Avant, les gens ils le nommaient Abu al-Hakam, et à un moment donné, le prophète l'a nommé Abu Jahl. Et pourquoi ? Il y avait une concurrence entre les deux tribus, celle du prophète alayhi salatu wasalam, à savoir la tribu de Banu Hashim, et la tribu de Bani Makhzoum. Vous savez, quand les pèlerins arrivaient, avant même l'arrivée de l'islam, les gens, ils avaient l'habitude, les Arabes, ils avaient l'habitude de faire le pèlerinage. Donc les tribus arabes, et surtout Banu Hashim c'est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la tribu de Abu Jahl, la tribu de Bani Makhzoum, ils se concurrençaient dans le bien à accomplir pour les pèlerins. Quand les pèlerins arrivaient, celui qui leur donnait à boire, celui qui leur donnait à manger. Et il y avait une concurrence entre les deux tribus. Qui fera de plus, davantage, le mieux? Et à un moment donné, le prophète alayhi salatu wasalam leur dit: Yuha ilayya min qibalillahi jalla wa ala. Le Nabi alayhi salatu wasalam il s'est arrêté et leur dit: Je suis prophète, je suis messager. Allah azza wa jalla m'a révélé. Vous savez qu'est-ce qu'Abu Jahl il a dit? Abu Jahl, il était convaincu. Abu Jahl, il était convaincu que Muhammad alayhi salatu wasalam, ce qu'il disait est vrai. Abu Jahl, il était convaincu de la véracité des propos de Muhammad alayhi salatu wasalam. Abu Jahl kana mutayaqqinan. Kana ala yaqin bi anna ma yaquluhu Muhammad alayhi salatu wasalam huwa al-haq. Walakin al-kibr. Al-kibr wa ma yaf'aluhu fi sahibihi. Il était orgueilleux. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: moi, notre tribu, il était régulièrement en concurrence avec la tribu de Muhammad. Il donnait, on donnait. On donnait à manger, il donnait à manger, on donnait à boire, il donnait à boire. Au point qu'on s'est mis sur le même niveau. Donc il n'y a aucune tribu qui arrive à devancer l'autre. Muhammad, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est prophète. Il reçoit un message, il reçoit une révélation. Il y a un wahy qui vient du ciel, lui tomber sur la tête. Chose que je ne peux jamais accepter. Ça c'est Abu Jahl. Et depuis ce jour-là, le prophète alayhi salatu wasalam l'a nommé Abu Jahl, le père de l'ignorance. Parce qu'il était convaincu au plus profond de lui-même que Muhammad alayhi salatu wasalam, ce qu'il disait c'est vrai. Abu Jahl kan muta'akkidan. كان متأكدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق من قبل الله جل وعلا ولكن أخذته العزة بالإثم. Il était tellement orgueilleux qu'il ne voulait pas accepter que la tribu de Banu Hashim arrive à les devancer à travers une révélation que lui-même ne sait pas la nature. Il a dit: c'est quoi ce wahy? C'est quoi cette révélation? C'est quoi ce contact qui vient auprès de Muhammad alayhi salatu wasalam? Et à partir de ce jour-là, il a été nommé par le prophète alayhi salatu wasalam Abu Jahl. Donc vous vous rendez compte, Abu Jahl, il était le pire ennemi du prophète alayhi salatu wasalam. C'est celui qui a soulevé toutes les Quraishites contre le prophète alayhi salatu wasalam. Abu Jahl, c'était celui kana yamshi min bayt al bayt, min dar al dar. يدق على البيوت كلها باش ينوض الناس أهل قريش ضد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ترك بيتا إلا وأعلن فيه الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم. Il tapait à toutes les portes. Il passait d'une maison à une autre il les invitait à faire quoi? À rentrer en guerre contre le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, à déclarer la guerre au prophète alayhi salatu wasalam. Donc que l'Arqam ibn Abi al-Arqam s'engage dans sa tribu et la tribu dans laquelle le président c'est Abu Jahl, le pire ennemi du prophète alayhi salatu wasalam, celui qui a mis tous les voyants en direction du prophète alayhi salatu wasalam, et que lui il ramène le prophète chez lui au sein de sa tribu, il prend énormément de risques. Sah ou lala? Al-Arqam, parce que si Abu Jahl il entend tout simplement que c'est au sein de sa tribu que le prophète alayhi salatu wasalam vient, transmet le message, rencontre ses compagnons, la première des choses c'est qu'il va massacrer l'Arqam ibn Abi al-Arqam, il va raser sa maison. Mais l'Arqam il était tellement engagé auprès d'Allah Azza wa Jal que avoir peur de Abu Jahl n'avait aucune importance pour lui. Lui, sa foi le poussait à négliger Abu Jahl et dire au prophète alayhi salatu wasalam, ne t'inquiète pas au prophète, c'est chez moi auprès de la tribu de Bani Makhzoum, malgré qu'il y a Abu Jahl, tu viendras ici et c'est chez moi que tu vas rencontrer les compagnons et c'est chez moi que tu vas transmettre le message et c'est ici que bi'idhnillah le message commencera à se transmettre. D'ailleurs, le jour où le prophète alayhi salatu wasalam avec Hamza radiallahu anhu et aussi avec Omar ibn Khattab, quand ils ont pris la décision de sortir et de rendre publique la da'wah, ils ont sorti de quelle maison? De la maison de Dal Arqam ibn Abi al-Arqam. Quand le prophète il est sorti, il leur a dit Qulu la ilaha illallah, il était dans quelle maison? Quand il était accompagné des compagnons, quand les Quraishites ils ont commencé à jeter des pierres sur le prophète alayhi salatu wasalam, et les compagnons qui encerclaient le prophète alayhi salatu wasalam pour qu'il ne soit pas touché, ils sortaient de quelle maison? Ils sortaient de la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Donc ils sortaient de la tribu de Bani Makhzoum. Je dirais Abu Jahl qu'on a à l'époque, on a un autre Abu Jahl ici à Épinay. Donc on a un magistrat à la ville qui est Abu Jahl, qui fait tout pour nous empêcher d'adorer Allah Azza wa Jal, qui fait tout pour qu'on continue à adorer Allah Azza wa Jal, à l'évoquer, à l'implorer et à continuer à vivre dans la dignité. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui se sont à un moment ou à un autre dans leur vie s'attaquer à l'islam ou s'attaquer aux musulmans, tôt ou tard, ils finiront par le payer. C'était le cas de Abu Jahl, et combien de Abu Jahl, combien sont nombreux ceux qui ont suivi la voie de Abu Jahl, et qu'à un moment ou à un autre, Allah Azza wa Jal les a anéantis. Ça c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a la droiture, il y a l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous tester, cherche à tester en règle générale notre foi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il va falloir qu'il nous teste. Bien sûr, il nous teste par le bien comme il doit nous tester par le mal. Mais c'est pendant l'épreuve qu'on fait la différence, la distinction entre les pieux, les moins pieux, entre ceux qui tiennent à la droiture de ceux qui ne tiennent pas à la droiture. Quand les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, prenez le cas, parce que dans la demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, on a plusieurs exemples de compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Vous avez l'exemple de Yasir et de Soumaya et de Ammar radiallahu anhum ajma'in. Vous les connaissez les trois? Ammar, Yasir et Soumaya. Ammar et Soumaya, donc ce sont les parents de Yasir radiallahu anhuma ou anhum jami'an. C'est dans cette demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam où ils ont appris la religion, où ils ont appris la foi, où ils ont appris le savoir. Et quand Abu Jahl dont on parlait, il est venu les condamner à mourir, et quand il a voulu tuer Soumaïa, parce que c'est la, la Soumaïa, elle est considérée la première martyre dans l'islam. Awwal shahida fi l'islam, il y a Soumaïa. Yani mara'a qabla ar-rajul. Yani Abu Jahl qatala man qatala mara'a. Et ça, c'est toujours, je dirais, c'est toujours l'attitude des lâches. Les lâches, en règle générale, ils s'attaquent à qui? On le voit aujourd'hui encore, ça continue. On s'attaque à qui? Aux faibles. On s'attaque à la femme. Il a été s'attaqué à Soumaïa. Et Soumaïa, à l'époque, c'était qui? C'était une femme pauvre, démunie. Non. C'était pas d'une grande tribu. Il n'avait pas un clan qui pourrait la défendre. Il ne relevait pas d'une famille riche ou notable. Donc le prophète alayhi salatu salam, à titre d'exemple, il a bénéficié de la protection de son clan. Nabi alayhi salatu salam, quand qabilat banu Hashim tudafi'u anhu. D'ailleurs, on en parlera un peu de Abu Talib. On en parlera de l'épouse de Abu Talib. Vous savez qu'Abu Talib, il a protégé le prophète alayhi salatu salam. Il ne s'est jamais converti à l'islam, mais il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque, les notables, par esprit clanique, ils protégeaient leur population. Même s'ils n'adhéraient pas, même s'ils n'avaient pas les mêmes convictions, mais on voit qu'Abu Talib protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soumaïa radiallahu anha, son épouse ainsi que leur fils, n'avaient pas cette protection. Il s'agit d'une famille pauvre, diminuée, ils n'étaient pas notables, ils ont souffert et ils ont payé le prix. Et le prix, c'était que Soumaïa radiallahu anha, elle est tombée martyr. Son mari, Ammar, il est aussi tombé martyr. Cela montre quoi? Cela montre que Saddar, dont je parle, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, a formé des hommes et des femmes. Pas que des hommes, mais des hommes et des femmes. C'est de la demeure de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam qu'on a un exemple comme Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. Vous avez dû entendre parler de Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, qabla l'islam, écoutez-le bien mes chers frères et mes chers soeurs. Mus'ab ibn Umair, qabla l'islam, kifa kan? Kana tiflan mudallalan. Attention, mudallal. Yani ilbis afdal al-libas. Ajmal al-libas. Ahsan al-libas. كان مصعب رضي الله عنه هو الذي يلبسه في قريش كلها في مكة كلها كان أفضل العطر يتعطر به مصعب بن عمير رضي الله عنه ما كانش مجلس من مجالس سادة قريش ونبلاء قريش وفضلاء قريش إلا ويحبون أن يجلس معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. Donc je disais, l'exemple de Mus'ab ibn Umair, il est tellement frappant que c'est un exemple qu'il va falloir étudier et réétudier régulièrement et s'en rappeler. Mus'ab ibn Umair, c'était l'un des jeunes avant l'arrivée de l'islam qui était sur le plan vestimentaire le mieux habillé. Ses parents lui achetaient les meilleurs habits, et les meilleurs habits de l'époque c'était la cire et le cham. Ils lui ramenaient les meilleurs vêtements. Le meilleur parfum, c'était le parfum que possédait Mus'ab ibn Umair. C'était un enfant, c'était le chéri de ses parents, mais le chéri même de Quraysh. Il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une réunion, il n'y a pas une rencontre sans que les notables Quraishites ne réclament que Mus'ab ibn Umair soit dans l'assemblée. Ce Mus'ab ibn Umair, il va apprendre dans la demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Il va apprendre l'islam dans la demeure de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Et peu de temps après, quand sa mère elle va apprendre qu'il s'est converti à l'islam, Mus'ab alladhi kana mudallalan wa kana mu'attaran wa kan qata'at anhu ummuhu al-abwab. Donc les robinets que sa mère lui donnait, il les a fermés. Plus de vêtements, plus de parfums. Il l'a même emprisonné. خلاص. يعني خلاص قطعت عليه كيف نحن نقول قطعت عليه الموضوع. وظل مصعب بن عمير رضي الله عنه صامدا. ف فتبين لأمه تبين لأمه أنه لن يترك هذا الدين. Sa mère, elle était, à un moment donné, elle était convaincue que son fils, là, c'est fini. Il ne délaissera jamais cette religion. Et il lui a dit, il lui a déclaré, il lui a dit, « Oh maman, tu me coupes en plusieurs morceaux afin que je quitte cette religion, je ne la quitterai jamais. » Parce qu'il l'a laissé sans lui donner à manger, sans lui donner à boire, en espérant qu'à un moment ou à un autre, il va finir par délaisser la religion. « Allah, wallahi, animate, la ta'taqidina dhalik. » Ne pensez, n'y songe même pas qu'à un moment ou à un autre, je délaisserai ma religion pour retrouver quoi ? Un confort. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche le confort. Sah ou lala ? Mahabbo faqat anna l'umur tkoun sukhuna ou atlin mizyan ou sharbin mizyan. Ce n'était pas le cas à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam, quand tamdi alayhi shahrain, mais sha'alch l'afia bas yisib mayyakul. Il passait les deux mois. Ils ne trouvaient pas de quoi manger. Ils n'utilisaient pas, ils ne pouvaient pas allumer parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Donc ils n'utilisaient pas le feu. Ils ne mangeaient que les dattes et buvaient de l'eau pendant deux mois. Alhamdulillah, on mange le matin, on mange à 10h, on mange à midi, on mange à 14h, à 16h, à 20h et à 22h. Et si on est encore réveillé à 2h du matin, on mange. On a le confort total. Mais c'est ce confort total qui a fait qu'aujourd'hui, on baisse le bras, on baisse les bras, et on ne fait plus rien, et on ne s'engage plus. Enfin, regardez Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, c'était encore jeune quand le prophète, alayhi salatu wasalam, va l'envoyer pour une mission, l'une des missions les plus importantes. Vous savez c'est laquelle ? Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il y a eu le premier pacte avec les gens de Médine. Al-Qusalam, Abdullah Barakat. Ahl al-Madina, sami'u bi Muhammadin alayhi salatu salam, wa bi nubuwati. Faba'atu wafdan ila al-Nabi alayhi salatu salam, wa staqbalahum al-Nabi alayhi salatu salam, wa bay'u. Kanu sita nafar. Faba'ata ma'ahum al-Nabi alayhi salatu salam, Mus'aban ibn Umair, hatta yu'allimahum din Allah azza wa jalla. Le prophète alayhi salatu salam, donc il y avait les Médinois qui entendaient parler d'un prophète à la Mecque qui prêche, qui transmet le message. N'oubliez pas que les Médinois, ils avaient déjà écho que le temps, que cette période, c'était la période où il va y apparaître un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il cohabitait avec les Juifs. Et les Juifs ne cessaient de leur dire : attention, faites attention, vous les Arabes. Il est temps qu'un prophète apparaîtra et on va le suivre et on va vous combattre. Mais comme ce sont les Médinois qui ont fait le premier pas et qui se sont convertis à l'islam, et je vous ai dit, ah non, non, non, ce n'est pas celui dont on vous parlait, c'est un autre. Donc Allah Azza wa Jalla ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ils le connaissaient mieux que ce qu'ils connaissent leurs propres enfants. Et donc le prophète, il a envoyé Mus'ab ibn Umair avec une délégation. Il y avait une délégation qui est venue de Médine, qui a prêté serment auprès du prophète, alayhi salatu salam. Ils ont embrassé l'islam. Ils ont dit au prophète d'Allah, on est prêt à t'accueillir chez nous. Donc le prophète, il a envoyé avec eux qui ? Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu. Ce jeune, pour leur transmettre le message. Vous savez, Mus'ab ibn Umair, il ne connaît personne à Médine. Il débarque dans une ville où il ne connaît personne, si ce n'est les six hommes qui sont venus prêter serment auprès du prophète alayhi salatu salam. Même les six hommes, ils ne les connaissaient pas. Ils venaient de prêter serment, donc c'est son premier contact. Donc il va s'engager dans une aventure où il sait que à Médine il y avait deux grandes tribus. Il y avait l'Aous et le Khazraj. Entre les deux tribus, il y avait une grande rivalité. Il y avait des guerres entre les deux tribus. En plus de ces deux tribus, il y avait Al-Yahoud. Donc la situation ne sera pas facile. Et malgré ça, le prophète alayhi salatu salam a confié cette responsabilité à ce jeune homme. Et subhanallah, au bout d'une année, une seule année, hein, pas 5, pas 10, pas 15, en une seule année, il y avait une délégation qui est venue de Médine à la Mecque composé de 72 hommes et de femmes, prêtés serment au prophète alayhi salatu wasalam, et ils ont laissé derrière eux toute une ville presque convertie à l'islam. C'était une délégation. C'était des hommes de chaque famille, de chaque tribu, une famille notable qui était représentée dans cette délégation et qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wasalam pour lui dire: ô prophète, on est prêt à t'accueillir, viens le plus tôt possible. Et de cela, et de là, l'islam a commencé à se propager. Et tout ça revient à qui? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce travail a été fait où? Dans la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam radiallahu anhum. Donc ces hommes dont on parle, qui étaient formés au départ les 13 années où le prophète alayhi salatu salam, il a appelé les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le seul, l'unique, sans lui prendre d'associés. Quand il leur apprenait à croire en Allah Azza wa Jal, à croire au jour dernier, ces hommes-là et ces femmes-là, ils apprenaient dans la mosquée ou dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. C'est quand ils sont partis par la suite à Médine, ils étaient déjà formés. À Médine, le prophète alayhi salatu salam a fait un autre travail, cette fois-ci sur les Mekwa, al-Muhajirin, et les Médinois, al-Ansar. طيب. Donc, هذا مثال من هذه الأمثلة الناصعة. مثال للأرقم بن أبي الأرقم وما قدمه هذا الشاب من خلال بيته وما أهداه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, vous savez, toutes les hasanates qu'on est en train de faire aussi aujourd'hui dans le monde entier, en grande partie, elles reviennent à qui? À Sul-Arqam ibn Abi al-Arqam. Bien sûr, ça revient après par la suite au prophète alayhi salatu salam. Parce que là, la chaîne doit remonter. Il ne doit pas s'arrêter à Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Parce que celui le premier qui a reçu la révélation, c'est le prophète. Et c'est le prophète alayhi salatu salam qui a transmis le message à ses compagnons. Mais vous regardez tout ce bien-là dans le monde entier qui est en train de se propager grâce à qui? Après Allah subhanahu wa ta'ala et après le travail fourni par le prophète alayhi salatu salam à ce compagnon Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Dont la plupart d'entre nous, ils n'ont jamais entendu parler. Comme s'il le découvre pour la première fois. Alors qu'il a joué un rôle très très important dans la da'wah de l'islam. Sa première demeure, sa demeure, c'est la première demeure dans l'islam où les compagnons, hommes et femmes, se réunissaient auprès du prophète alayhi salatu salam pour apprendre leur religion. طيب. Donc, هؤلاء الرجال أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أين تربوا؟ تربوا في المساجد، تعلموا في المساجد، ازداد إيمانهم في المساجد، ولكن قلت متى؟ لما كانت المساجد تقوم بدورها، لما كانت المساجد تلعب الدور الذي من أجله أسست. Ces hommes et ces femmes, ils ont réussi en peu de temps à dominer le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés dans les mosquées. Mais quand ces mosquées jouaient leur rôle, malheureusement aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui on a perdu le ilm dans les mosquées. Il n'y a plus de savoir dans les mosquées. On a perdu la spiritualité dans les mosquées. On a perdu la moralité dans les mosquées. On a perdu le côté social dans la mosquée. Aujourd'hui les mosquées c'est venir prier les cinq prières et rentrer chez soi. C'est comme si je me dois devant Allah Azza wa Jalla de lui dire: oh Allah, j'ai accompli ce que tu me dois tes cinq prières, le compte est soldé. Non, c'est pas les cinq prières qui nous regroupent, mes chers frères, mes chères sœurs. Les cinq prières c'est un moyen parmi d'autres pour renforcer notre foi, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas uniquement les cinq prières. Les cinq prières, comme l'a rappelé les frères, les conférenciers de tout à l'heure, c'est un moyen parmi d'autres, mais ce n'est pas en soi un objectif. Tabarakallahu fikum al-masajid yanbaghi an ya'ouda laha dawruha kama kana min qabl. faisons de notre mosquée. Anibarakallahu fikum. Un point qui est très très important par rapport au lieu, par rapport à la mosquée, par rapport à notre mosquée, par rapport à notre petite salle. Alhamdulillah, vous ne retrouvez pas qu'alhamdulillah, il y a une miséricorde, il y a une clémence, il y a une paisibilité, il y a une sérénité entre nous. Plus la mosquée aujourd'hui est grande, plus il y a des problèmes. Donc, là, le mohim bachon, il y a une mahabba, il y a une rahma. نعرفك وتعرفني ونحبك وتحبني احبك لماذا فاش لانك غادي تعطيني شي فلوس غادي توكلني غادي تشربني كنحبك لله عز وجل وكتحبني لاش كتحبني لله عز وجل ومن السبع الذين يضلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله رجلان تحب في الله اجتمع في الله وتفرق في الله. Parmi les sept personnes qui seront ombragées le jour de la résurrection, alors que tout le monde il est dans sa sueur, il est à l'intérieur même de sa sueur en train de se noyer, il y a sept catégories de personnes à qui Allah Azza wa Jalla accordera sa protection. Et parmi les sept catégories, il y a deux hommes. Ils se sont réunis en Allah Azza wa Jalla et ils se séparent en Allah Azza wa Jalla. Leur seul point de liaison, c'est qu'ils s'aiment Allah Azza wa Jal. Leur seul point d'intérêt, c'est qu'ils s'aiment Allah Azza wa Jal. Je t'aime Allah, tu m'aimes Allah Azza wa Jal. Au contraire, il n'y a pas de mal à le dire. Il n'y a pas de mal quand le prophète alayhi salam nous l'a enseigné. Le prophète alayhi salam, Nabi alayhi salam, allamana ida ahbabta akhak an taqula lahu inni uhibbuka fillah. Quand tu aimes ton frère, il va falloir aller le voir et lui dire je t'aime en Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de mal. Au contraire, ça renforce notre foi. J'avais rappelé hier que l'un tadkhulul janna hatta wa lan tahabbu hatta lan tadkhulul janna hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ufshu as-salama baynakum. Donc quand le prophète alayhi salatu salam nous dit vous n'y accéderez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyants. Et vous ne serez véritablement croyants que quand il y a l'amour entre vous. Et il nous dit, vous ne voulez pas que je vous indique une voie, une façon, un moyen qui vous permet d'avoir la mahabba entre vous? C'est le salam. Transmettre le salam, transmettre le salut, la paix, la miséricorde. Donc au contraire, quand on aime nos frères, il va falloir aller les voir et leur dire, je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. الأمثلة أيها الإخوة الكرام من هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الذين تربوا في مساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في دار الأرقم بأبي الأرقم أو في المساجد كلها كثيرة. Les exemples sont nombreux de ceux qui ont été formés soit dans la maison de l'Arqam d'Abi al-Arqam ou dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam ou à Mecca par la suite ou dans toutes les mosquées, les exemples ils sont nombreux. Donc je vous ai cité au départ quelques exemples. Je voulais m'arrêter sur d'autres exemples. Souvent je vous ai parlé de l'Arqam de Abi al-Arqam parce que je me suis dit que bon, c'est l'une des raisons pour laquelle on a nommé notre mosquée l'Arqam, pour au moins vous donner une idée, pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on a pris la décision de nommer cette mosquée Al-Arqam. Que vous aurez au moins l'historique, vous comprenez qu'est-ce qu'elle a fait Al-Arqam pour mériter ce qu'il mérite auprès du prophète alayhi salatu salam, et que le prophète a accepté son offre, et que dans la tribu de Bani Makhzoum, la tribu la plus hostile au message du prophète alayhi salatu salam, c'est là où le prophète alayhi salatu salam se réunissait avec ses compagnons pour la transmission du message du wahy. Je voulais qu'on parle d'un autre. Je ne veux pas évoquer tout ce que vous connaissez. Vous connaissez Abu Bakr, certes. Vous connaissez Omar, certes. Uthman, Ali, Fatima. Les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, dont on a souvent entendu parler, je sais que tout le monde les connaît. Combien de fois on les a évoqués? Mon objectif, c'est d'en parler d'autres. Il se peut qu'on les a déjà évoqués une fois ou deux fois, ou il se peut qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Enfin, parmi ces, je dirais, ces, euh, ces salihin, ces pieux, ces prédécesseurs dont je veux évoquer le nom ce soir et la biographie ce soir, il y a un certain Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu. Vous avez déjà entendu de Urwa? Ça vous dit quelque chose? Ceux qui ont déjà entendu parler de lui? Non? Non, tu as dit Zubayr. Ah, taïf, Zubayr. Taïf. Non. Hadak, c'est son fils qui a été tué. Mais comment il s'appelle son fils? Celui qui a été tué par Al-Hajjaj. Vous voyez, voyons. C'est ce que disait Younes tout à l'heure. Hein? Il n'a pas tort. Il dit quand il s'agit des rappels de spiritualité, on est tous là. Mais quand il faut apprendre ce qui est sérieux, ah, j'ai pas de temps. J'ai d'autres choses à faire. Quand il faut apprendre, quand il s'agit du vrai apprentissage, on n'est pas là. On trouve 3, 4, 5 personnes. Mais si on parle de spiritualité, de l'Yom El-Akhir, le jour dernier, tout le monde est concentré. Alhamdoulilah, c'est bien. Mais il faut apprendre. Et sans l'apprentissage, la communauté, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Sans l'apprentissage, sans le savoir, sans la science, on est ce qu'on est aujourd'hui. Et on le mérite. L'exemple qu'il évoquait, c'est Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr. Taïb, avant même d'arriver à Abdullah. On va parler de son père. C'est qui son père? Vous connaissez Zubayr ou pas? Aïe, aïe, aïe. Zubayr. Barakallahu fik. Anna, je veux voir les jeunes. Tumashyukha khatikum. Les jeunes, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, Hein? Le Barça. Vous connaissez Zubayr ou vous ne le connaissez pas? Il y a là quelqu'un qui le connaît, qui nous donne en deux mots, c'est qui Zubayr? Il y a là pour simplifier, c'est qui Zubayr en deux mots? La poutre. Non. Okay. Taïb, barakallahu fik. Donc, Zubayr, il fait partie des 10. Zubayr. Il fait partie des 10 à qui le prophète alayhi salam a promis le paradis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 10. Hein. Il y avait des centaines, voire même plus, à qui le prophète alayhi salam a promis le paradis. Mais pourquoi on parle de ces 10? Parce que c'était dans la même assemblée. C'était dans la même rencontre. Il recevait le premier Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Uthman, il y avait Ali. Et à chaque fois quand quelqu'un arrivait, il lui dit... Ubashiruka bil Jannah. Il lui annonçait la bonne nouvelle que tu feras partie, Inch'Allah Azzawajal, des gens du paradis. Et il y avait donc cette assemblée qui était composée, constituée de ses 10 compagnons. Dans ces 10 compagnons, il y a Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu. Ne l'oubliez pas. Az-Zubayr ibn al-Awwam, min al-Ashar al-Mubashirin bil Jannah. Taïb. Zubayr hada. Il avait épousé. Qui? Ruqayya. Qui? Ruqayya. Là. Barakallahu fik. Il s'est marié avec Asma. Vous savez ce qui est Asma? La sœur de Aïcha, la fille de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Vous voyez? On arrive à retrouver les liens entre les compagnons. On a Zubayr qui se marie avec qui? Avec Asma. Asma c'est qui? Asma c'est la fille d'Abu Bakr al-Siddiq. Et vous connaissez tous ce qu'est Abu Bakr al-Siddiq. Et c'est la sœur de qui? C'est la sœur de Aïcha. Et on sait qui c'est qui Aïcha radiallahu anha. Donc de cette union, parce que c'est intéressant de parler d'Abdullah ibn Zubayr. Je l'évoquais dans son histoire avec son frère Urwa ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'était le premier enfant, ne l'oubliez pas. Abdullah ibn Zubayr, awwal mawloudin wulida fil islam fil madinati al munawwara. Ne l'oubliez pas. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum أول مولود ولد في الإسلام في المدينة المنورة. Abdullah ibn Zubayr, c'est le premier enfant né dans l'islam après l'émigration à Médine. Vous savez quand les compagnons ont immigré de Mecca à Médine. Pendant un bon moment, il n'y a pas eu de naissance. Après, il y a un mawlid. Sahaba koulum ta wahd mazad andou ta haja. Au point, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au point qu'ils ont dit que les juifs nous ont ensorcelés. Qalou les juifs, les yahoud, saharouna, saharouni sa'ana, falam tali, walam ra'a. Hatta bayyan Allahu azza wa jalla anna ma fi sihar, wa inna ma hiya iradatullahi azza wa jalla. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prouvé que ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la volonté divine. Et le premier enfant qui était né après l'immigration, c'est Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Et quand il y avait cette naissance, vous savez qu'est-ce que s'est passé à Médine? Sha'at il Medina. Ihtafala ahlul Medina bi mawlidi Abdullah ibn Zubayr. Kharaja an-nasu fi al-Madina yuhalliluna wa yukabbiruna bi mawlidi Abdullah ibn Zubayr. لأن كان النبأ كان نبأً عظيمًا. Quand il y avait cette naissance, les Médinois, les musulmans sont tous sortis dans les rues de Médine, acclamés haut et fort Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé le premier né, et de cette façon-là, ils ont bien compris que la sorcellerie dont ils parlaient, elle était caduque. Taïb. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذكر رجع العروة. طيب متفقين؟ On va revenir à عروة pour ne pas s'éparpiller. عروة هو الأخ الأصغر. عروة c'est le petit frère de عبد الله. Il y a عبد الله, il y a مصعب, مصعب بن الزبير, et en dernier il y a عروة. Donc c'est leur petit frère. عروة n'a pas connu le prophète alayhi salatu wasalam. Urwa n'a pas vu le prophète alayhi salatu wasalam, contrairement à Abdullah ibn Zubayr. Donc il n'a pas eu cette occasion de voir le prophète alayhi salatu wasalam. Et il est né à la période où Omar radiallahu anhu, il était assassiné. Donc avant la mort de Omar, quelques jours avant la mort de Omar, il y avait la naissance de Urwa. Donc il a connu les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ce Urwa, donc pour vous expliquer tout simplement comment les gens réfléchissaient. Un jour, alors qu'il était dans le Kaaba, Mâche l'Adam, 7h03, Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu, kana fi majlis, yani fi ayyam al-hajj, حول الكعبة وكان معه أخوه عبد الله وأخوه مصعب وكان معهما الوليد. شكون هذا الوليد هذا؟ On verra ce qui par la suite. يعني الوليد ولا عبد الملك؟ عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان. Ils étaient, bien sûr, Urwa, il était le plus jeune parmi les quatre. Donc il y avait un groupe, un cercle, alors qu'il venait d'accomplir le pèlerinage. C'était un cercle composé de Abdelmalik ibn Marwan, de Abdullah ibn Zubayr, de Mus'ab ibn Zubayr et de Urwa. Le plus jeune parmi les quatre, c'était Urwa. قلت كان هذا الجمع الخير يعني فتيان في مقتبل العمر. C'était des jeunes hommes qui étaient en plein jeunesse. Ils espéraient. كل واحد منهم تمنى أمنية. شوف هاد لي جروب ils avaient des souhaits. Ils ont dit c'est le meilleur moment où il va falloir en profiter. On vient d'accomplir le pèlerinage, on est dans la Kaaba, on sollicite, on invoque, les cœurs sont tapisés, on est pur, on peut solliciter Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Commence. Le plus aîné parmi eux, c'était Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr. Ma umniyatuka fil hayat? قال أن أكون سيدا على الحجاز. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il souhaite? Devenir gouverneur ou devenir émir ou voire calife sur la péninsule arabique. Moi, pourquoi je vous en parle de ça? C'est de cette notion d'engagement. Il dit, moi, je souhaite devenir calife et sur quoi? Sur la péninsule arabique. Taïb. Et toi, Moussab? Il parle à son petit frère. Moussab lui dit, moi, je me contente de diriger l'Irakain. Ani ahkum l'Irakain. L'Irakain, anadak, quand on parlait de l'Irakain, à leur époque, c'était quoi? C'était le Koufa ou le Basra. C'était Koufa et Basra. Il a dit, moi, je me contente d'être gouverneur sur les deux villes. Taïb. Et Abdel Malik ibn Marwan, il le regarde. Il leur dit, si vous tous les deux vous contentez de ça, moi, ce qui me fera plaisir, c'est devenir calife sur l'ensemble du territoire musulman. Ouais, moi, la péninsule arabique ou les deux Irak, ça, moi, je veux être le calife. Je veux tout diriger. Il y avait Urwa ibn Zubayr, le plus jeune d'entre eux, assis dans son coin, ne parlait pas. Il lui disait, toi Urwa, est-ce que tu as un souhait? Tu veux être quelque chose? Là, moi, je ne veux rien. Non, non, tu diras. Donc, ils ont insisté. قالهم أريد أن أكون عالما في الدين يرجع الناس إلى قولي. Alors, dis-moi, mon souhait, c'est de devenir une référence dans la religion, dont le monde entier revient à ma parole. Les jeunes aujourd'hui, quand ils leur parlent, je veux être comme Messi, je veux être comme un tel, comme des stars qui nous vaut ou qui ne valent rien. Qu'est-ce qu'ils ont comme souhait? Qu'est-ce qu'ils ont comme engagement? Ya subhanallah, les quatre, ils ont eu ce qu'ils ont souhaité. Les quatre. Abdullah ibn Zubayr, il est devenu calife. Après la mort de Yazid, après Maut Yazid ibn Muawiyah, après la mort de Yazid, le fils de Muawiyah, Abdullah ibn Zubayr, il a été célébré comme calife sur la péninsule arabique et il a eu même d'autres pays, d'autres villes au-delà de la péninsule arabique. Son petit frère Moussa ibn Umair, Moussa ibn Zubayr, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu gouverneur de Koufa et de Bassora. Et c'est qui lui a confié la gouvernance? C'est son grand frère Abdullah ibn Zubayr, comme c'était lui le calife. Il l'a nommé gouverneur. Abdel Malik ibn Marwan, qu'est-ce qu'il est devenu par la suite? C'est le grand calife Omayyad qui a gouverné. Abdel Malik ibn Marwan, il est connu. Il est connu par sa justice et il est connu par sa piété. C'est l'un des rares califes Omayyad avec Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu et d'autres qui étaient bons et justes. Et Abdel Malik ibn Marwan, il a gouverné, il est devenu calife de la totalité de la Umma. Et Urwa ibn Zubayr, ce jeune, ce petit-là, qui est resté à midi, il est devenu une référence dans la jurisprudence. Il n'y a pas une question sans qu'on y va voir Urwa ibn Zubayr et on lui demande, c'est quoi ton avis? C'est quoi, à travers ton ilm, tu nous donneras l'avis? Urwa ibn Zubayr, quand il est devenu le grand savant de Médine, donc on parle avant même l'arrivée de l'imam Malik, de l'imam Shafi Ahmed, donc on est dans la première génération, hein. C'est la première génération, la génération des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Urwa ibn Zubayr kana yati an-nas min masharik al-ard wa magharibiha ila masjid an-nabi alayhi salatu wasalam yastaftunahu fi umur ad-din. les gens du monde entier, des quatre coins du monde, ils venaient le voir, l'interroger au sujet des questions de la religion. Vous savez, Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, quand il a commencé à prendre le savoir et à s'intéresser au savoir, quand les gens lui faisaient quelques reproches, repose-toi, va te reposer, va dormir, il leur a dit, qu'est-ce que j'ai appris de mes maîtres, de mes chouyours? Inna al-ilma la ya'tika kamilan hatta tu'tihi kamilan. La science ne vient pas à toi dans sa totalité, dans sa globalité, si toi-même tu ne vas pas dans ta totalité, donc ta globalité vers la science. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Je veux le savoir avec Internet. 5 minutes de clic, je veux toutes les informations. Je ne veux pas apprendre. Donc, il ne faut pas s'étonner que par la suite, on n'a pas de savoir. On n'a pas de connaissance. On a peu de connaissances et peu de savoir. Si on veut plus de savoir, il va falloir se donner à fond. Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, il a été éprouvé, comme la plupart de nos prédécesseurs. Vous savez ce qui lui est arrivé un jour? Il a été invité par le calife. Donc il s'est dirigé vers le Cham pour honorer l'invitation du calife. Urwa ibn Zubayr, à l'époque, donc, il était honoré par les califes, honoré par les gouverneurs. D'ailleurs, il a eu comme gouverneur à Médine Umar ibn Abdel Aziz avant que lui-même ne devienne calife. Et quand Umar ibn Abdel Aziz est arrivé à Médine, il a sollicité un groupe de savants de Médine, et sur leur tête il y avait Urwa ibn Zubayr. Il lui a dit, si vous voyez que je dévie du droit chemin, vous me remettez sur le droit chemin. Il n'y a pas une question dont j'ai besoin d'une information, d'une connaissance, sans que je ne revienne vers vous, et vous êtes dans l'obligation de me donner les informations. Et Urwa ibn Zubayr, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite à Omar ibn Abdel Aziz. Il faisait avec la même chose avec le calife. Il a été rencontré le calife. Alors quand il a été rencontré le calife, il a été très très bien accueilli, très très bien honoré. Et il est parti avec il était accompagné de son petit-fils, c'est-à-dire le jeune parmi ses enfants. Son fils, il était en train de jouer avec les enfants du calife, et s'est fait renverser par le cheval. Et il est mort. Pendant la même période, Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, il a été touché dans sa santé. Par quoi? Par une maladie qu'on appelait, on l'appelait à l'époque l'Aqila. C'est comme le cancer ou l'Iyadu Billah aujourd'hui. On l'appelait, à l'époque, on l'appelait l'Aqila, l'Ati ta'koulou l'A'da, celle qui mange les membres. C'était le nom que les gens à l'époque lui donnaient. La maladie qui mangeait les membres. Et il a eu donc cette maladie au niveau de sa cheville. Quand le calife il a fait parvenir les médecins, ils ont dit, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est lui couper la jambe. Il va falloir lui couper quoi? La jambe. Donc les médecins l'entourent, ils lui disent, Urwa, on va te donner des calmants. Donc au départ, il lui dit, on va te donner une drogue, un moussakir, hatta taskun. Voilà, un étage tash'ir à l'amalia. Donc on va te donner une drogue pour que tu ne ressens pas les douleurs. Elle lui dit, non, si Allah Azza wa Jalla interdit la drogue, moi je vais utiliser la drogue sur moi-même pour une opération. Interdit. Il lui dit, d'accord, le médecin lui dit, je vais te donner un calmant. Il lui dit, non, moi je veux ressentir la douleur. Il dit, moi je veux ressentir la douleur. Quand vous coupez mon pied, je veux ressentir cette douleur. Ah, subhanallah. Taïb, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le moment où le médecin va commencer à couper, il y a des hommes qui sont arrivés pour le tenir, ou lui tenir les mains, les pieds. Il a dit, qu'est-ce qu'il vient faire ces hommes-là? Parce que tu vas risquer de bouger. Non, non, ne vous inquiétez pas. Laissez-les. Au moment où ils sont en train de couper, moi je serai dans la méditation. J'aurai même pas besoin qu'il me touche ou qu'il me... Laissez-les de côté et faites ce que vous avez à faire. Donc le médecin commence à couper. Et subhanallah, pourquoi je vous en parle de ça? Parce qu'Urwa ibn Zubayr, il avait l'habitude chaque jour de réciter 15 hizb. Et la nuit, il veillait avec 15 hizb. Il faisait une seule journée 30 hizb. Sans les cercles de conférences, les doros qu'il faisait, le ilm qu'il propageait. Il avait l'habitude, en journée, de réciter 15 hizb, ou plutôt la journée, il lisait, il prenait le mushaf, il lisait, et la nuit, il récitait les 15 hizb. Il faisait 30 hizb par jour. Donc, et c'est la seule journée où il n'a pas pu lire les 30 hizb. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à couper le pied, il s'est évanoui. Alors qu'il était en train de réciter le Coran, réciter, et le temps qu'il se réveille par la suite, c'est passé des heures et des heures. Quand il a retrouvé la vie par la suite, alhamdoulilah, donc le calife l'a honoré, mais le calife, il avait énormément de peine pour Urwa. Il a dit, je l'ai invité, je voulais le récompenser, et voilà ce qui lui arrive. Il perd son fils, il perd son pied. Donc il attendait un moment pour pouvoir au moins dire quelques mots à Urwa pour l'encourager. Vous savez, c'est... Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un jour, il y avait une délégation qui est venue voir le calife. Je termine, Inch'Allah, par ça et on passera à la prière de l'Aïcha. Un jour, le calife, il a reçu une délégation. Dans cette délégation, il y avait un homme aveugle. Donc, il était dans cette délégation, il discutait avec le calife. Il commence à raconter son histoire au calife. Cet homme, c'était un notable et c'était un homme riche. Sam'u barakallahu fikum. Lidalika tanqulu dayman la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. Ani subhana muqallib al-ahwal. C'est la raison pour laquelle on est toujours invité à dire la hawla wa la quwwata illa billah subhana muqallib al-ahwal. Cet homme était notable chez lui. C'était un homme riche. Il avait toutes sortes de richesses. Un jour, il y avait le fayadan. Il y avait un orage. Il y avait de la pluie. Et la pluie, il a tout pris. Toutes ses richesses. Il lui est resté quoi? Il lui est resté un enfant et sa chamelle. L'enfant, c'était un bébé. Donc, il le tenait. Regardez bien l'histoire. Il tenait son fils. Et il avait une chamelle sur laquelle il pouvait s'appuyer. La chamelle, il s'est évadé. Il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'aller chercher la chamelle ou garder le petit? Il a déposé le petit et il est parti chercher, récupérer la chamelle. Au moment où il veut récupérer la chamelle, il regarde, il entend un cri de son fils. Il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit? Son fils, il a été préparé un loup. Il lui mange la tête. Il ne pouvait plus faire demi-tour pour aller sauver son fils. Il tourne sa tête pour récupérer la chamelle. Un coup de pied dans le visage, il devient aveugle. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Quand le calife il a entendu cette histoire, il a dit à son hajib, à son chambulier, il lui a dit, va Allah yarda'alik, prends-le, et qu'il aille raconter son histoire à Urwa ibn Zubayr, peut-être ça va. Il va savoir, il va comprendre qu'il y a des gens qui souffrent plus que lui. Alors que Urwa ibn Zubayr n'a rien demandé. Mais c'était une façon pour le calife de soulager un peu son invité. Quand Urwa ibn Zubayr il est rentré à Médine, après ce long voyage, ses adeptes, ses disciples l'attendaient. Ils sont venus le voir. Sa famille l'attendait. Tout le monde a appris la nouvelle. Il a perdu son fils, il a perdu son pied. Quand il est arrivé, il leur a dit, écoutez bien, Allah Azza wa Jal m'a accordé 4 enfants. Il a pris un. Ce qu'il donne, ça lui appartient. Ce qu'il prend, ça lui appartient. Il m'a donné 4 membres, 2 mains et 2 pieds. Il a pris un pied. Il me reste 3. Ce qu'il m'a donné, ça lui appartient. Ce qu'il m'a pris, ça lui appartient. Je ne veux plus évoquer ce sujet-là. C'est fini. Je n'entends plus parler. On passe à autre chose. فهؤلاء الرجال تعلموا في المساجد وتربوا في المساجد فكانوا قدوة. Ces gens-là, ces hommes, ils étaient formés dans les mosquées. Ils étaient un exemple. Ils sont un exemple pour nous. Je voulais citer d'autres exemples, mais vu que le temps presse, c'est un exemple parmi d'autres. Et à nous, bi'idhnillah, azza wa jal, d'en profiter, d'étudier, d'apprendre, de faire que ces cercles ne soit profitable pour apprendre notre religion, pour apprendre la révélation, pour apprendre la sunna du prophète alayhi salatu salam, et pour pouvoir évoquer, implorer, renforcer notre foi. فبإذن الله العلي القدير أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم.